Change your heart. Non, je suis désolé. C'est vrai que c'est mieux. Après, c'est plus dur pour moi, mais... C'est, le refrain est moche en, en plus bas. Allez, vas-y, fais-moi une dernière fois. Après, je vais aller manger. Mais c'est bien, c'est sympa. Merci, Edo. Change your heart. Je me rappelle plus du coup, c'était quoi? Everybody gotta learn sometime. Et Tony, il est parti. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Change your heart.